Injection verbale, Paxao, Venom. Première dose. Le hip-hop est en état de choc, on vient donner l'alerte en France. Doubleur en microphone, la mort du rap de notre enfance. Je te jure quand on y repense, les textes avaient du sens. Ce rap avait conscience du poids des mots, de leur puissance. Si tu regrettes son absence, écoute ce rap sensé, si bien pensé. Les poèmes se font distancer, la prophétie s'impose, personne sera dispensé. Non. Première dose c'est l'album, l'injection peut commencer. L'injection peut commencer. Commencer.